Exercice 5, page 164. A. Arrête de parler. B. Arrête de hurler. C. Arrive à l'heure. D. Arrose les fleurs. E. Tu pars à Lille? F. Tu te sers de l'huile?